Le singe et le gorille. Le singe grimpe sur l'arbre. Où vas-tu? Dit le gorille. Je vais voir le ciel, dit le singe. Le singe grimpe haut, très haut, jusqu'à la dernière branche. Oh, dit-il, le ciel est beau. Un gros oiseau voit le singe. L'oiseau descend, plus bas, plus bas, plus bas. Le singe voit ses grosses serres. À l'aide, crie le singe. Le singe descend de l'arbre. Il tremble de peur. Il y avait un gros oiseau dans le ciel, dit le singe. J'ai vu ses grosses serres. Le gorille regarde le singe. Tu ne dois pas grimper jusqu'à la dernière branche, dit le gorille. Tu es trop petit. Je vais grimper sur l'arbre. Le gorille grimpe haut, haut, haut, jusqu'à la dernière branche. Mais l'arbre fait crac. Le gorille descend, descend et boum! Il tombe par terre. Le singe regarde le gorille. « Tu ne dois pas grimper jusqu'à la dernière branche, » dit-il. « Tu es trop gros. »